durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, et à quelques semaines de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, nous évoquerons la vocation mémorielle des allées d'arbres. Nous sommes avec la déléguée générale de l'association Allées Avenues, qui organise dans les Vosges, à Liffol-le-Grand, les 12 et 13 novembre 2018, un colloque international intitulé « Les allées d'arbres, de la guerre à la paix ». Écoutez sur durablementvôtre.fr. Chantal Pradine, bonjour. Bonjour. Chantal Pradine, les allées d'arbres, on voit à peu près. Je vais quand même vous demander de préciser. De la guerre à la paix, on se dit que ça doit avoir quelque chose avec le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais le lien entre tout ça n'est pas forcément évident. Expliquez-nous. Alors les allées d'arbres, eh bien c'est quelque chose qui relie deux points en plantant des arbres de part et d'autre, donc une rue, une route, un chemin bordé d'alignements d'arbres. Et le lien avec la Première Guerre mondiale, puisque effectivement c'est à l'occasion du centenaire de l'armistice qu'est organisé le colloque, eh bien c'est tout simplement que ces routes bordées d'arbres qui étaient nos routes françaises ont beaucoup marqué les soldats qui venaient du Commonwealth et des pays qui n'étaient pas habitués à voir ça, qui ont écrit à leurs familles, qui ont... Commonwealth, c'est essentiellement donc les Britanniques et les colonies. Voilà. Qui ont donc écrit à leurs familles, qui ont dessiné, qui ont photographié. Et quand il s'est agi de savoir comment faire mémoire, si on devait faire des monuments aux morts ou comment... Eh bien, il y en a qui ont souhaité plutôt planter des arbres en dédiant un arbre à un soldat. Ça veut dire que les Britanniques n'ont pas cette référence que nous avons, nous, Européens et peut-être Français en particulier, de, pas seulement du reste, mais d'avoir encore aujourd'hui des allées, des chemins, des routes bordées d'arbres. C'est typiquement franco-français, européen post-Brexit. Donc la France a joué un grand rôle dans le déploiement des plantations d'arbres le long des routes, et c'est lié aussi au jardin à la française. Les Anglais en ont planté, mais ils sont passés aussi au jardin à l'anglaise, donc un jardin beaucoup plus naturel, quelque chose de moins strict, moins formel. Et donc, ils ont pas été aussi constants dans des plantations que nous, on a pu l'être. Au point que ça les marque, ou que ça les ait marqués. Alors, au point que ça les ait marqués, ils ont des plantations en ville, en tout cas des allées, des avenues bordées d'arbres en ville, mais en race campagne moins. Et surtout dans les pays, donc les pays jeunes comme l'Australie, qui venaient tout juste d'avoir une certaine autonomie, on commençait seulement à avoir ce mouvement qu'ils appellent de beautification, donc d'embellissement des villes avec des plantations. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Chantal Pradine, dans le monde, il y a des allées d'arbres qui sont, comme vous disiez, de véritables monuments aux morts. C'est tout à fait ça. Donc ce sont des allées qui sont plantées avec une petite marque, donc une stèle ou une plaque avec les indications de la personne qui a été qui est honorée de cette manière. Donc on en a en Australie, c'est là qu'il y en a le plus. On en a en Nouvelle-Zélande, on en a au Canada, on en a aux États-Unis. Est-ce qu'on en a en France ? Et en France, on en a historiquement, a priori, on n'en a pas. Pour une raison très simple, c'est que la question de la mémoire ne se posait pas de la même manière, puisqu'on avait les corps de nos soldats à proximité. On a même rapatrié les corps dans les cimetières communaux en partie. Alors que pour les pays anglo-saxons, ils ont fait le choix de laisser les soldats sur place, et en particulier aussi de ne pas séparer les officiers des soldats. D'où la présence, bien sûr, de voilà. ces... très grands cimetières, notamment américains, à certains endroits. Oui, tout à fait. Et donc ces allées, en fait, en France, il n'y en a pas eu au moment de la Première Guerre mondiale, mais j'ai découvert cette année que quelques-unes ont été plantées à l'occasion du centenaire dans le Jura, puisque le conseil départemental avait choisi de planter des arbres en mémoire justement des soldats tombés, et ils l'ont fait dans la forêt de Joux. Et certaines communes se sont dit, ben, c'est pas mal, mais c'est loin de nos concitoyens. Si on plantait près de nos monuments aux morts. Et ils ont, sans avoir aucune connaissance de cette histoire aux antipodes, ils ont recréé eux-mêmes des allées mémorielles avec une petite stèle devant chaque arbre. Et ces plantations-là, qu'on pourrait qualifier de monuments végétaux ou végétaux aux morts, la plupart des monuments aux morts en pierre ont été construits souvent d'ailleurs par des souscriptions assez rapidement après la fin de la Première Guerre mondiale. Ces plantations, Chantal Pradine, datent de quel moment, de quelle période ? Eh ben, c'est dans certains cas, elles ont été plantées déjà pendant la guerre, et ça s'est poursuivi dans les années 20, dans les années 30. Donc, j'ai pas nommé l'Italie, mais l'Italie est un des rares pays donc qui en a planté aussi en s'inspirant du Canada. En fait, c'est des inspirations croisées, les routes françaises qui inspirent les plantations, qui inspirent surtout un officier britannique qui, en 1915, Gillespie, avait souhaité qu'on plante une allée des Vosges à la mer. Et de cette idée est venue l'idée de planter des allées mémorielles qui a été reprise et qui a été partagée. Donc ça veut dire que ces allées existantes aujourd'hui, Chantal Pradine, sont quasi centenaires. Elles sont centenaires, avec ce que ça pose de questions de maintien, de renouvellement, ce qui a été en fait à l'origine d'un projet australien qui s'appelle Avenues of Honor 2015, puisque pour eux, une grande bataille, c'était la bataille de Gallipoli en 1915. Et pour le centenaire, les spécialistes de l'arbre, les experts en arboriculture d'une association qui s'appelle TreeNet ont voulu justement faire un inventaire et puis remettre en valeur ces allées d'arbres. C'est une histoire assez méconnue malgré tout. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie un colloque international à l'Iffol-le-Grand ici dans les Vosges du 12 au 13 novembre, Chantal Pradine ? C'est justement de montrer cette histoire qui est totalement méconnue, hein, vraiment. C'est de montrer comment les allées d'arbres sont plus qu'un simple lien physique, mais sont vraiment un lien symbolique entre les hommes, qui relie les hommes dans le temps et dans l'espace, puisque, comme je disais, on a des liens avec les antipodes. Hein. Et pourquoi le faire à l'Iffol-le-Grand ? Je vous citais l'anglais qui avait souhaité une allée des Vosges à la mer. On a un député, le député Lemire, qui est le père des jardins ouvriers, qui avait souhaité la même chose en 1919. Donc c'était assez logique de se dire, on fait quelque chose, ou dans les Vosges, ou près de la mer. Il se trouve que près de la mer, il se passe beaucoup de choses par rapport au centenaire. Il se passe relativement moins de choses à l'extrémité est. Et dans les Vosges, on peut se demander pourquoi l'Iffol-le-Grand et pas un autre endroit. Les batailles ont eu lieu dans la partie est du département des Vosges, mais vous l'avez souligné, le titre c'est bien de la guerre à la paix. Et on passe vraiment, on bascule vers la paix en 1918. Et à ce moment-là, c'est l'arrivée des Américains en 1917 avec leur QG à Chaumont, donc tout près en Haute-Marne, qui va recentrer en fait les actions sur l'ouest vosgien. Et l'Iffol figure sur une carte où on voit que les 75 000 tonnes quotidiennes de matériel qui doivent être livrées à la France aboutissent à un point qui est l'Iffol. Néanmoins, Chantal Pradine, un colloque international, je pense que c'est sans doute la première fois que ça a lieu à l'Iffol-le-Grand dans les Vosges, petite commune de Bourgade quand même, déjà de 2000 habitants. surtout connu pour son industrie du siège et du meuble de style, peut-être un peu moins malheureusement aujourd'hui, plutôt en perdition. C'est un défi fabuleux. C'est un défi, c'est un peu compliqué d'organiser des choses en milieu rural parce qu'il n'y a pas d'infrastructure concentrée. Donc ça veut dire de la dispersion, ça veut dire des transports. Donc on est obligé d'organiser des navettes, mais tout ça est prévu. Des navettes depuis les gares de Chaumont ou de Neufchâteau, des navettes vers les hébergements. Mais l'objectif du colloque, de l'organiser en tout cas à l'IFOL, c'est aussi de montrer qu'on peut, à condition de mettre de l'énergie, ces territoires ruraux, ils ont encore des choses à nous offrir. Colloque international, Chantal Pradine, combien de nationalités présentes ? Alors il y a 11 pays représentés de 3 continents. Donc la France, bien évidemment, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la Pologne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Mais en tout cas, c'est vraiment un colloque international à l'IFOL Le Grand du 12 au 13 novembre 2018 sur le thème « Les allées d'arbres de la guerre à la paix ». Durablement vôtre, Eric Mutchler. Des roses s'ouvrent en Picardie et sémant leurs arômes si doux. Dès que revient l'avril à Tiédi, il n'en est de pareil à vous. Nos chemins pourront être un jour écartés et les roses perdront leur couleur. L'une au moins gardera pour moi sa beauté, c'est la fleur que j'enferme en mon cœur. De ses grands yeux de saphir clair, aux reflets changeants de la mer, Colinette regarde la route, va rêvant, tressaille, écoute, car au loin, dans le silence, monte un chant enivrant toujours. Tremblante, elle est sans défense devant ce premier chant d'amour. Des roses s'ouvrent en Picardie et sémant leurs arômes si doux. Dès que revient l'avril à Tiédi, il n'en est de pareil à vous. Nos chemins pourront être un jour écartés et les roses perdront leur couleur. L'une au moins gardera pour moi sa beauté, c'est la fleur que j'enferme en mon cœur. Nous sommes toujours à l'IFOL Le Grand dans les Vosges avec Chantal Pradine, déléguée générale de l'organisation Allée Avenue, qui organise du 12 au 13 novembre 2018 un colloque international sur la thématique « Les allées d'arbres de la guerre à la paix ». Ces allées d'arbres, Chantal Pradine, qui sont de véritables, on vient d'entendre, monuments aux morts sous forme d'arbres, justement, plantés. Alors je ne sais pas si vous dire végétal ou végétaux, j'ai pas le temps de réfléchir. Ce programme, Chantal Pradine, va être particulièrement riche. Il est assez riche, puisqu'on commence par un premier volet, donc qui est le volet d'histoire qu'on vient de brosser très rapidement. Et un deuxième volet qui, lui, va concerner aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, ce sont les actions des citoyens et des pouvoirs publics pour mettre en valeur ces allées d'arbres, mettre en valeur d'autres allées qui peuvent créer du lien, comme l'allée transfrontalière entre l'Allemagne et la Pologne qui a été plantée en 2014. Et puis, le demain, c'est tout le chantier qui s'ouvre et qu'on aura intitulé « Aller Horizon 2030 ». Donc là, c'est l'occasion de jeter les bases de ce que devrait devenir le paysage des allées d'arbres, pas seulement les allées mémorielles, mais de manière générale toutes les allées, en s'appuyant sur cette capacité des arbres et des allées à porter symbole de lien, symbole de vie, puisque ça a été vraiment quelque chose qui était très présent dans le choix des arbres comme élément de monument, le fait que ce soit vivant, symbole de civilisation, symbole de cohésion. Voilà. Un colloque, le terme même colloque, Chantal Praline, est toujours un peu peut-être, semble réservé à une certaine élite de la connaissance. Ce n'est pas le cas pour ce colloque international, ouvert tout public. Il est ouvert à tout public. Dans les participants, on a aussi bien des enseignants de l'école d'architecture de Versailles. On a des paysagistes de renom qui font partie du comité scientifique de Dicomo Sifla. On a des associations, on a des gestionnaires routiers, par exemple du conseil départemental de Haute-Garonne qui a été lauréat d'un prix des allées en 2016. On croise à la fois au niveau des intervenants les domaines et les niveaux d'intervention. Et de la même manière, tout ce que les arbres, tout ce que les allées, tout ce que le paysage, tout ce que l'histoire et le faire mémoire intéressent, y trouvent leur place. Donc que ce soit des professionnels de l'arbre, que ce soit des professionnels du paysage, des paysagistes, des aménageurs, ou que ce soit des associations, des citoyens qui sont attachés à ce patrimoine, des enseignants, des historiens aussi, j'imagine. Des historiens, bien évidemment, des enseignants qui ont envie de travailler les questions de mémoire avec leurs étudiants ou leurs élèves. Voilà, c'est très, très large. Puisqu'on parle pratique, Chantal Praline, combien ça coûte ce colloque, la participation au colloque Les allées d'arbres de la guerre à la paix du 12 au 13 novembre à l'Effol-de-Grand? Et puis est-ce qu'on est obligé, de participer aux deux jours? Alors, la question est bonne. On aurait aimé, bien évidemment, faire un colloque qui soit gratuit ou en tout cas le moins cher possible. Malheureusement, on n'a pas eu, et pour l'instant on est toujours dans l'incertitude des subventions qu'on devrait avoir des ministères et du conseil régional. Donc le tarif pour deux jours, c'est 180 €, et puis on peut participer à une seule journée, et dans ce cas-là c'est 100 €. Il y a aussi un tarif réduit pour les étudiants, donc qui est demi-tarif. Et puis on n'est pas obligé de parler des 11 langues participantes, ou en tout cas des nationalités présentes à ce colloque, Chantal. Heureusement, et ça c'est vraiment essentiel, il faut que chacun puisse s'exprimer et se comprendre. Donc les présentations sont en français et en anglais, et on a une équipe d'interprètes chevronnés pour toutes les traductions. Si je peux me permettre de rajouter, on a, Dieu merci, des partenaires qui nous ont soutenus, donc en particulier la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, Colas Grand Est, Noremat, l'interprofession de l'horticulture et du paysage Valor, Et des entreprises comme Viry ou MS Technique, etc. Etc, etc. Des associations aussi, c'est important de le dire. Mmh. Les Parcs et Jardins de Lorraine qui nous soutiennent, ou l'association Arbre, donc, qui s'occupe des arbres remarquables, avec Georges Fetterman qui sera un des intervenants. Et puis j'imagine, Chantal Pradine, que ce colloque va probablement, on disait tout à l'heure, puisque c'est un fait assez méconnu, franchement méconnu, mettre précisément ces allées d'arbres mémoriales en lumière. Ça va les mettre en lumière, et l'objectif du chantier Aller Horizon 2030, c'est justement de capitaliser là-dessus pour des actions à différents niveaux, donc à la fois des inventaires, à la fois des actions artistiques qui sont prévues en particulier dans notre secteur aussi en 2020, des études, la création d'itinéraires touristiques. Dans la perspective en fait de quelque chose d'un peu plus profond encore, qui est un itinéraire culturel européen, parce qu'un itinéraire culturel européen, ça y rajoute vraiment la dimension humaine et la dimension citoyenne, la dimension de cohésion européenne, et on est vraiment dans la suite du colloque. Vous évoquez beaucoup, Chantal Pradine, la dimension mémorielle, et c'est à raison, puisque c'est le thème même du colloque. Vous parlez moins de l'aspect environnemental et biologique des arbres. Est-ce que l'on sait aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce que vous savez est-ce qu'il y a des essences d'arbres qui ont été privilégiées, des espèces qui ont été privilégiées pour constituer ces allées mémorielles à travers le monde ? Oui, alors il y a des choses qui sont liées toujours à la symbolique par rapport les quelques. Alors on n'a pas parlé de l'Allemagne, et pourtant c'est essentiel aussi. Donc eux ont beaucoup planté d'arbres pour faire mémoire, mais ils ont plutôt planté en bosquet, en forêt. C'est vraiment la symbolique de la forêt. Mais il existe quand même quelques allées mémorielles. Et dans les arbres qui ont été beaucoup plantés en Allemagne, c'est le chêne en particulier. Donc ça, c'est voilà, il y a des choses comme ça. Il y a des choses très intéressantes aussi sur les arbres qui ont pu être plantés en prenant des graines qui venaient des pays, enfin des sites de guerre. Donc en particulier des digues de Verdun qui ont servi à planter des allées, les marronniers des digues de Verdun, si je ne me trompe, qui ont servi à planter des allées en Angleterre. Le but étant aussi de financer par là des actions de reconstruction en France. Enfin, il y a eu comme ça des tas d'échanges qui ont été aussi très importants et très symboliques et très forts autour des essences d'arbres. En Australie, s'est posé la question d'arbres indigènes ou d'arbres européens. Et à l'époque, ce sont des arbres européens qui ont été plantés parce que l'Australie avait besoin d'affirmer sa dimension de nation. On sent bien la dimension effectivement symbolique. Pendant ce colloque du 12 au 13 novembre, ici à l'Ifolde-Grand dans les Vosges, Chantal Pradine, consacré ou intitulé « Les allées d'arbres de la guerre à la paix », sera remis le prix des allées. Oui, alors le prix des allées, c'est un prix qui est porté par l'association Sites et Monuments, qu'on connaît aussi sous le nom de SPEF, c'est son petit nom, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, qui est la plus vieille association de protection des paysages en France. Elle date du début du XXe siècle. Et le prix des allées en est à sa troisième édition. Il récompense en fait tous les acteurs, quels qu'ils soient. Donc là aussi, c'est que ce soit des institutionnels, des professionnels, des particuliers, des associations qui œuvrent pour la préservation des allées d'arbres, en référence au rapport qui a été publié par le Conseil de l'Europe sur cette thématique. Et cette année, on a donc comme lauréat une commune de Moselle qui replante des arbres fruitiers sur ses chemins communaux. On a un collectif de citoyens à Gien qui s'est opposé avec succès à l'abattage d'allées de platanes dont certains sont centenaires. On a une association autour du canal de Bourgogne qui a replanté le long des berges du canal et qui du coup a redonné, créé une dynamique qui fait que VNF replante à son tour VNF et des particuliers, Voie Navigable de France. Chantal Pradine, est-ce que l'idée sous-jacente de ce colloque international, les allées d'arbres de la guerre à la paix, est-ce que ce n'est pas aussi finalement de sensibiliser nos concitoyens et peut-être aussi les aménageurs à l'importance de ces allées d'arbres qui, un peu partout, et peut-être en ville plus particulièrement aussi, font les frais? C'est certain. De toute façon, quand on met quelque chose en lumière et qu'on montre tout l'intérêt et tout le contenu que ça peut avoir, et pas seulement un contenu physique, mais aussi un contenu symbolique très fort, on ne peut plus avoir le même rapport à l'arbre, c'est évident. Plant a tree for your tomorrow. It's your tree that clears the air. Plant a tree, trees for America. Plant a tree today for all the world to share. Taste the breezes, life inside you. Make a promise to the earth. Plant a tree, now is the time to recognize a tree for all that it is worth. Plant a tree for your tomorrow. It's your tree that clears the air. Plant a tree, trees for America. Plant a tree today for all the world to share. Rest in, make a place for birds to sing. Plant a forest for the future, where the breath of life begins with every spring. Plant a tree for your tomorrow. It's your tree that clears the air. Plant a tree for America. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Chantal Pradine, vous êtes délégué général de l'organisation Aller Avenue qui organise les 12 et 13 novembre 2018 à L'Ifolle-le-Grand, c'est dans les Vosges, un colloque international sur le thème « Les allées d'arbres de la guerre à la paix ». On a entendu évidemment tout l'intérêt de cette démarche mémorielle. Pour autant, pour certains de nos concitoyens encore, la présence d'arbres au bord des routes est une calamité. Je sais que ça vous agace. Ça m'agace. Disons que ce qui m'ennuie, c'est qu'on revient toujours sur cette question-là, alors que j'ai pu montrer, et d'autres études l'ont montré aussi, qu'il n'y a pas de corrélation entre le risque d'être tué ou de se tuer dans un département donné et le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres de bord de route. Donc il peut y avoir très peu d'arbres de bord de route et on peut être beaucoup plus à risque dans ce département et dans d'autres départements qui ont un grand patrimoine d'arbres de bord de route, finalement être plus en sécurité quand on circule sur les routes. Donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corrélation. Et donc je dirais que c'est une question, la question de la sécurité routière et des arbres, c'est une non-question, de la même manière que les clôtures des jardins privés et la sécurité routière, c'est une non-question. En soi. Et la présence d'un abribus, c'est une non-question. Ça voudrait dire, Chantal Pradine, qu'il y aurait en fait de bons obstacles et de mauvais obstacles. C'est-à-dire, je veux dire par là que si un automobiliste fauche crée un accident parce qu'il y a des enfants dans un abribus, évidemment, ça va être la faute à l'automobiliste, mais s'il se prend un arbre, ça va être la faute à l'arbre. C'est ça. C'est-à-dire que dès l'instant où on circule, de toute façon, on est confronté à des obstacles et on est en permanence obligé de les éviter, quel qu'il soit. Donc c'est le véhicule qui arrive en face, le véhicule qu'on a devant soi, le véhicule qui est à notre droite ou à notre gauche, ou le piéton ou le cycliste. Et donc on a nécessairement besoin de vigilance. Alors l'intérêt du colloque, bah, c'est justement de sortir de cette thématique-là et de montrer au contraire combien justement l'arbre n'est pas... J'ai souvent, quand on parle justement de ces histoires de sécurité routière, je dis souvent, à la limite, les obstacles latéraux techniques, un poteau qu'on peut déplacer, je veux dire qu'on mette un poteau à droite, à gauche, devant, derrière, peu importe, il remplira toujours sa fonction. Un arbre, il ne remplira pas sa fonction. D'une part, quand on l'abat, bah, on met fin à quelque chose de vivant. Si on le plante n'importe comment, ben on n'aura pas le même effet de voûte, de colonnade, etc. Et on voit bien, avec ces allées mémorielles, ben que l'arbre est porteur d'autre chose que simplement de bois. Il porte la vie. C'est pour ça qu'il a vraiment été choisi par les familles ou par les associations patriotiques ou par les Rotaries ou par tous ces organismes qui ont souhaité planter, qui ont planté. C'est vraiment... quand on regarde les discours qui ont été prononcés au moment des inaugurations, cette notion de vie, cette notion de garder la mémoire verte, cette notion de civilisation était vraiment très présente. Donc on est... l'arbre, bah, c'est la civilisation, quelque part. Et je vous écoute et je vous entends, Chantal Pardine, et je me dis que lorsque précisément on fréquente de magnifiques routes bordées d'allées, bordées d'arbres, elles sont malheureusement de plus en plus rares, ça crée un sentiment aussi, alors paradoxalement, de sécurité et de bien-être. Bah c'est ce genre d'études aussi qui ont montré que on roule de manière plus prudente dans une allée d'arbres. Voilà, il y a plein d'effets bénéfiques en termes de route. Alors ça n'empêche, ça n'enlève rien au côté dramatique de tout accident, quel qu'il soit. Ça c'est toujours un drame. Ça n'enlève rien au fait que quand on est dans le deuil, eh ben, on vit son deuil comme on le peut, et quelquefois ben, on peut mal. Et ça fait mal éternellement. Mais une politique globale de paysage ne peut pas se faire sur des deuils personnels ou sur des sentiments personnels uniquement. Chantal Pradine, vous évoquiez tout à l'heure brièvement l'Allemagne. Il existe en Allemagne une route des allées d'arbres, la Deutsche Alleenstraße. Expliquez-nous. Alors la Deutsche Alleenstraße, donc elle va être présentée aussi au colloque par un des administrateurs de l'association qui s'en occupe, qui est Erwin Pfeiffer, qui est le directeur adjoint tourisme de l'Automobile Club allemand, ADAC, qui est le deuxième automobile club mondial, je crois. Donc ça, c'est une allée, en fait c'est un itinéraire touristique constitué de routes bordées d'arbres qui a été créé après la chute du mur de Berlin. On est à nouveau dans la symbolique. On est à nouveau dans la symbolique puisque une des raisons c'était de pouvoir de mettre en valeur un patrimoine qui existait encore beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest. Et aussi, et ça a été exprimé aussi, de recoudre ensemble le pays avec un itinéraire commun. Et donc autour de cet itinéraire, il y a toute une offre touristique. Et ils viennent d'ailleurs de rééditer leur guide touristique. Et la Deutsche Alleenstraße était présentée au Mondial de l'Auto dans une exposition qui concernait les routes mythiques. Donc là, on a eu droit à une présentation de la Deutsche Alleenstraße. Et est-ce qu'il y a des départements ou des villes en France, Chantal Pradine, qui ont un intérêt plus particulier aux allées d'arbres? Est-ce qu'il y a des politiques différenciées, comme on dit aujourd'hui, concernant cet aspect-là? Oui, et ce qui est intéressant, c'est justement le prix des allées de sites et monuments qui permet de faire émerger justement ces acteurs. Donc on a en département, l'an dernier, le département de la Seine-et-Marne qui a été primé pour son schéma directeur des allées avec un objectif de multiplication des allées, avec une réflexion sur le sens du maillage territorial par des allées. L'année précédente, c'était le conseil départemental de Haute-Garonne qui avait été primé pour la politique qu'il mène depuis 20 ans et qui continue à mener justement avec un choix politique de maintien de ce patrimoine. Voilà, on a des conseils départementaux, on a des villes aussi, des petites villes, Beaurecueil dans les Bouches-du-Rhône qui a été primé il y a 2 ans. Enfin, voilà, il y en a... Alors ce colloque, Chantal Pradine, du 12 au 13 novembre, ici à L'Iffol-le-Grand dans les Vosges, les allées d'arbres de la guerre à la paix, ce n'est qu'une première étape. Tiens, un premier arbre, voilà, planté par l'association et l'organisation, planté par l'organisation Allée Avenue. Vous êtes la déléguée générale, mais c'est aussi un point de départ d'un chantier beaucoup plus vaste. Bah, c'est ce chantier Allée Horizon 2030, hein, qui doit arriver à mettre en réseau des acteurs à différents niveaux. Donc, je parlais d'inventaire, donc arriver à faire des inventaires, puisqu'on n'a pas de connaissance des allées. On parlait des allées mémorielles de la Première Guerre mondiale. On sait qu'il y a des allées qui ont été plantées, mais a priori pas avec la dédication à un soldat particulier. Mais on n'a pas de connaissances globales, c'est vraiment parcellaire. Des plantations, donc on a plein de trous dans nos paysages, même dans des allées existantes, il y a plein d'allées qui sont devenues lacunaires, donc là il y a de quoi replanter en faisant sens, en mettant en lien des lieux qui font sens. On peut imaginer qu'on relie par des allées les sites de la Grande Guerre, donc puisqu'il y a en plus un dossier qui est déposé pour être patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a une intervenante qui est la secrétaire générale de l'association qui sera présente. Et il y a déjà, d'ailleurs, quand je parlais de plantation, un projet de plantation franco-australien dans la Somme, à Pozières. L'amour quand il joue les fugueurs, elle t'empoigne et elle te ronge. La haine est un cancer du cœur. Il a plus d'arc, il a plus de flèches, il se la joue comme un sniper. Elle a pas d'armes, mais dans la brèche, elle te dévore de l'intérieur. Amour ou haine, quitte à choisir, je prends le moins pire. Je préfère crever d'amour debout que de mourir seul sur le champ d'horreur, quitte à ce qu'on vole la fleur du bout de mon fusil. Qu'une innocente reçoive une balle perdue de rancœur en plein cœur. Encore plus fort quand il joue la carte des regrets. Elle s'assoit sur tes remords, cette putain sans pitié. Il t'a fait plusieurs trous dans le cœur, comment tiens-tu encore debout? Elle a pas d'âge, elle a pas d'heure, et elle te noie dans la boue. Amour ou haine, quitte à choisir, je prends le moins pire. Je préfère crever d'amour debout que de mourir seul sur le champ d'horreur, quitte à ce qu'on vole la fleur du bout de mon fusil. Qu'une innocente reçoive une balle perdue de rancœur en plein cœur. Thank you. faudra choisir ton dessin. Dans ce dédale qui se délabre, ils se cacheront dans les recoins des portes fermées et de sorties. Y aura pas d'autre issue de secours entre les fleurs fanées et les orties. Entre amour ou haine, quitte à choisir, je prends le moins pire. Je préfère crever d'amour debout que mourir seul sur champ d'horreur, quitte à ce qu'on vole la fleur du bout de mon fusil. Qu'une innocente reçoive une balle perdue de rancœur. Chantal Pradine, comment et d'où vous vient cet intérêt pour les arbres et pour les allées d'arbres en particulier ? Ça me vient de... Je ne saurais pas dire de quand, mais en tout cas de loin, puisque j'ai souvenir d'avoir hurlé dans une voiture dans les années 85 en passant sur une route où les arbres avaient été coupés. Voilà. Et il se trouve qu'en 2000, je ne sais même plus quand, il y a 13 ans, 2005, j'ai pu empêcher un abattage. Et à partir de là, comme je suis de racine allemande, je savais ce qui se faisait en Allemagne. J'avais travaillé en Suède, je savais ce qui se faisait en Suède. Et donc je savais qu'on pouvait avoir un traitement un peu plus favorable aux allées d'arbres. Ça, c'est votre engagement. Mais votre parcours personnel est en lien avec les allées d'arbres ? Avec la route, puisque je suis ingénieur de formation et que j'ai travaillé dans les travaux publics, donc la route. Voilà, mais j'ai pas travaillé avec les arbres en particulier. Par contre, donc depuis 2005, je suis expert auprès du Conseil de l'Europe dans le cadre de la Convention européenne du paysage, avec un rapport donc, et des recommandations pour les allées d'arbres. J'ai été à l'origine de l'article de loi qui protège désormais les arbres, donc l'article L350-3 du Code de l'environnement. J'ai aidé Cité Monuments à mettre sur pied leur prix des allées d'arbres, et j'en suis présidente du jury. Voilà, donc j'œuvre de manière continue à mettre en valeur ce patrimoine sur tous les fronts. Est-ce que vous définissez vous-même, Chantal Pradine, comme une acharnée combattante ? Acharnée, j'aime pas bien. Vous avez compris le sens de la question. Non. effectivement, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est certain. Alors, c'est peut-être ça, oui, l'acharnement. Mais je trouve que c'est pas positif. Il faut une dose d'acharnement parce que la cause des allées d'arbres aujourd'hui, ça ne paraît pas une priorité nationale. C'est clair que si c'était une priorité nationale, ce serait beaucoup plus facile, ce serait visible. Donc, il faut mettre de l'énergie. Mais c'est de l'énergie positive. J'aime mettre les gens en lien, j'aime mettre... Quand quelque chose fait sens, pour moi, c'est important de le... Un peu comme les allées d'arbres. Voilà, c'est tout à fait. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Chantal Pradine, déléguée générale de l'organisation Allée Avenue, qui organise les 12 et 13 novembre à L'Ifolle-le-Grand, où nous sommes aujourd'hui dans les Vosges. Un colloque international intitulé « Les allées d'arbres de la guerre à la paix ». Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Je vais dire peut-être coup de gueule. On parlait de l'article L350-3 du Code de l'environnement, donc qui prévoit que les allées d'arbres sont protégées en fait en raison de leur caractère justement multiple, qui croise l'entrée culture, qui croise l'entrée biodiversité, qui croise l'entrée aménité, donc tout le bien-être, tout l'aspect paysager, toute la symbolique, etc. Et on en trouve de plus en plus encore, on en découvre tous les jours encore. On pense bien sûr à l'ouvrage de Peter Wolle sur la communication végétale. C'est une dimension qui commence à émerger davantage encore. Voilà, il y a plein de choses qui se découvrent sur les arbres. Mais c'est surtout cette entrée vraiment triple, aménité, biodiversité et culture, ou plutôt, je dis en général dans l'autre sens, culture, biodiversité, aménité, ce qui fait que c'est assez facile. On retient CBA, ce qui veut dire qu'on devrait en permanence, quand on parle d'allée d'arbres, quand on fait des aménagements en ville, quand on a des décisions à prendre, à toujours peser ces trois choses. Ce que proposent d'ailleurs les Suédois, ils ont un guide pour faire ce genre d'exercice. En France, on n'a pas de guide. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir publier ce guide, du moins une explication dans la revue RGRA l'an dernier, revue générale des routes et de l'aménagement, en septembre dernier. Voilà, donc du coup, on fait des aménagements dans beaucoup de villes. On m'alerte en permanence. Je dirais, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on m'alerte sur des aménagements qui sont prévus où on passe les arbres par la case zéro sans avoir, à mon avis, vraiment pesé l'intérêt et recherché une solution qui puisse maintenir les arbres tout en faisant des aménagements, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'on reste figé dans un paysage donné, mais il faut que ça se fasse en connaissance de cause. Et tout à l'heure, vous expliquez qu'il y a au contraire des villes ou des départements qui font des efforts, qui tiennent compte, qui prennent en compte le végétal et l'arbre en particulier dans leurs aménagements. Comment vous expliquez ces différences de traitement, Chantal Pradine ? Différence de sensibilité, différence de culture, différence d'écoute peut-être aussi de ce qui intéresse le citoyen de manière générale. L'arbre, symbole politique. Je ne sais pas. Alors là, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, oui, je crois qu'il y a soit une attention à l'autre et à ce que... Parce que les gens sont très attachés aux arbres et aux allées d'arbres. C'est une évidence. C'est vrai que d'ailleurs, actuellement, viennent de démarrer les travaux d'aménagement ou la création du grand contournement ouest de Strasbourg. On voit bien l'émotion que suscite immédiatement l'abattage d'arbres. Et vous le disiez à l'instant, Chantal Pradine, vous êtes régulièrement alerté. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, et surtout que peuvent faire nos concitoyens dans ce genre de situation? Actuellement, chaque fois qu'on me sollicite, comme j'ai pas le temps, je renvoie vers des juristes qui sont en train de travailler sur cette question-là. Et je pense que un de ces quatre, il va y avoir... on va faire en sorte que l'article L350-3 soit vraiment appliqué. Quoi. Oui, parce que c'est pas tout de prendre des dispositions législatives si on ne les fait pas... produire des effets ensuite. Est-ce que, Chantal Pradine, vous êtes aujourd'hui évidemment très engagée, on l'entend à travers bien sûr ce colloque, mais ce n'est qu'une facette de votre travail, de votre engagement. Est-ce que vous êtes plutôt confiante sur la préservation et le maintien et peut-être la renaissance des allées d'arbres et paradoxalement, on s'aperçoit aussi qu'on maltraite énormément les arbres dans les villes, alors même que l'on sait aussi le bénéfice qu'ils apportent contre les îlots de chaleur, et qu'on a besoin aujourd'hui de plus en plus de ramener du végétal dans les villes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe? Et vous parlez de coup de cœur ou de coup de gueule, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou plutôt optimiste par rapport à l'évolution et la tendance générale? Par rapport à la tendance générale, j'en sais rien, mais ce qui me semble évident, c'est qu'il y aura des perdants et des gagnants. Et les gagnants, ce seront ceux qui se seront engagés effectivement dans une politique végétale. Et j'imagine bien que ces villes qui auront, comme la ville de Lyon, qui travaillent sur un plan canopé donc pour avoir une couverture végétale suffisante et des services écosystémiques efficaces avec les arbres, que ce sont des villes qui attireront la population, alors que les autres, ce sera des lieux qu'on fuira. En réalité, Chantal Pradine, je ne sais pas si ça a été un fait exprès de votre part, mais on revient quelque part au début de notre émission, notre entretien, c'est une ellipse, hein, où vous nous expliquiez que les allées mémorielles existantes dans le monde, qui sont de véritables monuments aux morts végétaux, voilà, j'y suis arrivé, passent finalement ou doivent passer du statut d'objet que vous évoquiez tout au début, à celui d'éléments vivants d'une part, mais avec un véritable apport non seulement écosystémique, mais aussi émotionnel, sensible. Et oui, c'est vraiment passer du statut de l'objet, arbre-objet, à quelque chose de bien autre chose. Merci Chantal Pradine. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur le colloque international Les allées d'arbres de la guerre à la paix qui se déroulera à l'Iffol-le-Grand dans les Vosges les 12 et 13 novembre 2018 avec Chantal Pradine, déléguée générale de l'association Allées Avenue qui organise cet événement. Pour en savoir plus sur les actions menées par cette association en faveur des allées d'arbres et pourquoi pas vous inscrire et participer au colloque des 12 et 13 novembre, rendez-vous sur le site www.allées-avenue.eu, c'est au pluriel. Vous avez pu écouter dans l'ordre Rose de Picardie, parole française de Pierre Damor, de la version originale anglaise Roses of Picardy, composée en 1916 par Haydn Wood et qui connut immédiatement un immense succès de part et d'autre de la Manche, interprété ici en 1962 par le Marseillais Jean Lumière. Plant a tree for you tomorrow, plante un arbre pour ton lendemain, par l'américain John Deutschendorf, alias John Denver, paru sur l'album National Arbor Day Foundation et entièrement dédié à cette fondation américaine du jour de l'arbre, sortie en 1990. Et enfin, En plein cœur, par le groupe Les Petites Nacelles, paru sur l'album éponyme sorti en 2016. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.